continue à faire le tour de nos équipes du secteur. On va parler maintenant avec la première chronique avec l'instructeur chef du Marcos Pop de Saint-Félicien, David Boudreau. Salut, David. David, passez un bel été d'abord. Oui, très bel été. C'est le fun. On s'est reposé, puis on a voyagé. Bon, ben c'est bien plaisant. On a fait un peu de baseball là, aussi. C'est ça qui est le fun. Hey, David, je voyais sur le Facebook du Marcos Pub que le camp d'entraînement a commencé le 16 août. Il y avait une quarantaine de joueurs. Donc, comment ça s'est passé dans l'ensemble depuis le 16 août? Ben, depuis le 16 août, là, quand on parle de 40 joueurs, c'est 40 joueurs réinvités avec des lettres, là, mais on n'a pas eu 40 au camp. Okay. Il y a 32 joueurs qui sont présentés au camp. Donc, on a commencé le 16 août, c'est tout, un peu de mise en forme. C'est pas vraiment un camp d'entraînement, là, c'est plus mise en forme. Puis là, graduellement, là, on a fait des coupures pour arriver aujourd'hui, ce soir, c'est les dernières coupures pour faire le questionnaire. OK, OK. Et dans l'ensemble, ben, je sais qu'il y a eu deux matchs en fin de semaine. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, là, ça c'est bien. C'est surtout les jeunes là, qui ont vraiment aimé ça. Ça fait comme un mois qu'on pratiquait, puis... une coupe de match entre équipes aussi. C'est pas la même rivalité, c'est pas la même intensité qu'un match hors concours contre une autre équipe. On l'a eu vendredi soir, on l'a vu un petit peu, là, les gars étaient nerveux. Il y avait beaucoup de recrues qui étaient dans l'alignement. Beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de mauvais jeux. Mais c'était ensemble, c'est normal. Là, c'est des jeunes, des équipes qui ont essayé la plupart, là, comme un peu le poste en jeu, si tu veux. C'est un match avec beaucoup de cohésion. Puis c'était de deux côtés, là, autant de beau que nous. Fait que ça fait un match nul de 2 à 2. Puis le lendemain à Dolbeau, ben, c'était beaucoup mieux. Okay. Beaucoup de beaux jeux. Ça a paru tout de suite là, que c'est déjà un match pour ça, comme un peu s'échauffer, là, préparer un peu le timing. Ça a paru le dimanche, c'était un beaucoup plus beau match à Dolbeau. C'est une victoire de 5 à 3, mais un but désert à la fin, mais un match très serré encore. Okay. C'est à force de ton équipe cette année, c'est que tu prévois comment cette année? Est-ce que tu prévois, je sais que par les années passées, on visait le provincial. Cette année, est-ce que c'est encore la même affaire? C'est sûr que tu veux gagner toujours, mais est-ce que logiquement parlant, tu as l'équipe pour aller aussi loin que les autres années? Ben, c'est dur de se prononcer. Moi, j'ai toujours c'est une partie que moi j'ai mes joueurs puis c'est les meilleurs. Mmh. Moi, je connais pas les autres forces de notre équipe. Là. J'ai pas affronté Alma, j'ai pas affronté Jonquière, j'ai pas affronté Chibou non plus, ni Chibou ni Bécamo. Je sais pas si comment c'est quoi de la force d'aller cette année. Moi je suis avoir une équipe rapide, une équipe qui est jeune, c'est sûr. Mais on va avoir des très belles soirées, je suis sûr et certain. Puis d'autres des mauvaises, des moins bonnes aussi, c'est sûr. Fait que dans l'ensemble, ça devrait être bien dans l'année en général. Et on attend de voir c'est un peu c'est quoi une autre équipe et pour se prononcer pour okay, ça. OK, OK. Du côté du Marcos Pub, la force cette année? Ben la force, on va avoir une équipe qui est extrêmement rapide, c'est sûr et certain. Ce sera notre force numéro un. Notre but aussi, c'est vraiment sur une grande famille. Mmh. Je pense que notre force, ça va être pas mal ça pour les entraîneurs travailler ça là, pour avoir un genre d'esprit d'équipe là qu'il n'y a pas rien qui dérange personne, qu'il n'y a pas de jalousie. Dans les années passées, ça arrive une couple de fois. Là, je veux dire, on a toujours des équipes talentueuses, toujours des équipes qui ont toujours beaucoup de bons joueurs talentueux. Puis c'est certain que quand tu as beaucoup de bons joueurs talentueux, ben les joueurs se surveillent un peu plus. Ça. Lui, il a plus de temps de glace un petit peu, lui, pourquoi que lui c'est le power play, pourquoi que lui embarquant en fin de match, puis pas moi. En fait. C'est des fois comme ça qu'on a à gérer, puis qui fait qu'à bout de ligne, dans les matchs extrêmement importants, comme une finale ou un provincial, ça peut faire la différence. Okay. Fait que c'est bien pour ça, je pense, d'avoir une belle grande famille. La vitesse, on va l'avoir, c'est sûr. Les bons joueurs d'hockey, on va les avoir, c'est sûr. Mais c'est vraiment tomber une grande famille à la fin pour qu'on puisse se rendre le plus loin. OK. Comment tu as trouvé jusqu'à maintenant les mises en échec? Je vais te poser la même question parce que j'ai posé avec les Castors, parce que j'ai commencé également nos chroniques avec les Castors et avec Chibougamau. L'adaptation jusqu'à maintenant, comment ça se passe? L'adaptation de mise en échec, évidemment, il n'y aura pas de mise en échec cette année. Là, comment tu as trouvé ça? Ben, moi, je trouve que l'adaptation va être plus compliquée au point de vue des officiels qu'au point de vue des joueurs. Nous, on met vraiment l'emphase sur aller chercher la rondelle. Prenez donc la rondelle. Puis quand on aura la rondelle, ben, on s'affra enlever. Puis le reste, ça va y aller tout seul. Tu sais, les contacts physiques, c'est toujours une zone dangereuse. Puis borderline un peu pour tout le monde. Là, est-ce qu'il y a le droit de le toucher? Est-ce qu'il n'y a pas le droit de le toucher? On l'a vu en fin de semaine dans les deux parties. Autant à Saint-Félicien qu'à Dolbeau. c'est pas toujours évident pour les officiels de dire, ben, OK, ça, c'est énormément de punition, c'est l'obstruction, ça, c'est vraiment là, la rudesse. C'est toujours ça qui est un petit peu, là, je veux dire, qu'un joueur qui arrive face à face, puis qui se fasse rentrer, qui l'interdit pour éviter que les jeunes tombent en congé cérébral, moi, j'ai pas de trouble avec ça, puis même, j'étais un gars qui privilégie ça, parce que je sais que ces joueurs-là vont gagner leur vie plus tard avec leur tête, et non, ben non avec leur c'est avec leur sûr. Si on s'entend là-dessus. Mais le reste, je veux dire, dans un coin de passe-moi, même si c'est comme on a vu avec la même étoile, mes joueurs, tu peux, avec l'entrée à terre, c'est sûr, visser la rondelle au début, puis après ça, ben, après ton joueur pour la cote un petit peu. Mais il semble encore avoir des zones grises. Okay. Ça semble un peu qu'on a deux matchs différents, puis deux arbitres différents, deux secteurs différents, qui ont été appliqués différents. Okay. Fait que j'espère que ce ne sera pas, mettons, la dernière nouveauté, ce sera ça, le sujet numéro un dans la ligue, c'est l'arbitrage puis les nouveaux règlements, au détriment des jeunes, pareil, qu'ils vont encore offrir un excellent service. Là. C'est, je veux dire, honnêtement, oui, les jeunes ont boudé un petit peu au début, c'était, bon, ça va être plate, mais quand tu regardes mon alignement, c'est encore mes 17 meilleurs joueurs du secteur Saint-Lucien, Robert-Val, Nathalie qui vont jouer pour moi cette année. Mm-hmm. Puis Adolbeau, je sais que c'est pareil à Adolbeau, c'est pareil à Almond, c'est pareil à Jonquière, pareil à Bécobo. La différence, ben, les petits joueurs vont peut-être plus pas s'affirmer, un jeu plus rapide encore, du beau jeu, de la vitesse, tu sais, je veux dire, c'est hâte de voir, c'est ça qui, je peux pas me prononcer vraiment là-dessus encore, Dany, on a deux petits matchs encore. Moi, c'est juste soir que la formation avec le Jet 3, les formateurs qui vont venir parler à mes jeunes, parler à mes parents pour les nouveaux règlements. Moi, je l'ai vu, la formation, je l'ai eu, des vidéos qui parlent un peu de ça. Puis, c'est appliqué comme des vidéos qui montrent on a eu la formation, ça devrait être prospé, mais si c'est pas appliqué, ça va être tellement OK. Ben, David, on va se parler à tous les lundis ou mardis comme on l'avait fait. C'est bien le fun de recommencer notre routine. Puis, on se reparle quoi la semaine prochaine. Okay, l'instructeur-chef du Marco Sport de Saint-Félicien, David Boudreau.